surtout que dans le même sens, ce qui passe, c'est l'équipe, papa, Zali, amen, à part Moussa, papi, Zali, amis, c'est la douceur. Yo, Zali, Nzambe, Nzambe, Bolingo, et si Kakoufa et Zali, Nzela, na Christo, yo, Pesa, Kabomo, amen. Yo zali nzambe nanga nzambe na mawa ifai masumu etondi yo sopa kangolu yo nzambe na lobiko adona yo zali nzambe aleluya nzambe malamu esika pinzoli etangi Molimo santu na yo apesa kakimia mokide pesa katene yo zali nzambe nanga nzambe nanguya netumba molimo yo zali sukisa yo nzambe na elonga eshada liboso na yo ya nzambe nanga Mususu lokola yo papa mona nite Nzambe nanga Nzambe misobana na yo Totomboli maboko Emitema na biso Toboneli Yonde nzambe na bomo Nzambe na bikamwa Mosungi malamube Bolingo mawape ngolu Kumisama na yo Kumisama Sajo rama Mito rama Nabomo ya moko na moko Kumisama Sajo rama Apananga Kati ya basali na yo Kumisama Lelo Sajo rama Apananga Awana RDC Kumi sama na yo Sajo lama Papa nama Mito lama Adonai Liposo na yo Ya wenzame nanga Tunguba weni yo Mosusu loko na yo Papa mona ni te Kozala kate papa, nzambe lokola yo, haleluya. Yo loba kali loba moko elikambo kokisami, haleluya. Esika bato balobi awa esili, eloko zali susute yo lobi nabandi mosala. Quand tu crées Seigneur, tu pars du néant, tu n'as pas besoin de matière première, haleluya. Quand tu as dit que la lumière soit et la lumière fut, haleluya. Toi, tu es la grossesse de la stérile, Seigneur. La béquille du boiteux. Les yeux de l'aveugle. Alléluia. Le sourire de l'attristé. Béni sois-tu, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la majesté, d'âge en âge, d'éternité en éternité, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'acclamons très fort, Seigneur.